لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc on continue avec notre cours sur الزهد. والزهد موضوع مهم جدا وقد اهتم السلف الصالح من هذه الأمة المباركة في هذا الجانب وقد قال أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه تتابعنا الأعمال في الدنيا فلم نجد شيئا أبلغ في عامل الآخرة من الزهد في الدنيا والحديث حسن. Donc Abu Layth ou Abu Waqid al-Laythi radiallahu ta'ala anhu, donc ce compagnon dit que on suivait les actes dans la vie d'ici-bas lorsqu'il dit tataba'na, donc on regardait l'importance des actes dans la vie d'ici-bas et on n'a jamais vu quelque chose qui aide ou qui renforce plus l'acte dans la vie d'ici-bas pour le delà que le zuhd. Il n'y a pas meilleur pour le zuhd que le zuhd pour justement accompagner tes actes. فإذن الزهد أفضل ما يوصلك إلى بلوغ الجنة. Donc le zuhd, c'est en vérité ce qu'il y a de meilleur pour t'amener au paradis. بإذن الله عز وجل. فمن أراد الزهد في الدنيا فليلعب في الآخرة. Donc réellement celui qui cherche à obtenir et acquérir cet ascétisme dans la vie d'ici-bas, qu'il désire fortement l'au-delà. Automatiquement, lorsque tu te démunis de quelque chose, il faut quelque chose d'autre, il faut quelque chose de remplacement. Il faut un élément de remplacement. Et ici, c'est donc le fait de désirer fortement l'au-delà. Il y a beaucoup de versets qui montrent cela. Allah dit « بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَةُ الدُّنْيَا وَالْآخَرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى » Certes, vous préférez la vie d'ici-bas alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. On voit encore une fois ici donc une comparaison. On va délaisser quelque chose pour quelque chose d'autre. Vous voyez ce verset donc montre la comparaison. Certes, vous désirez, vous préférez, vous faites devancer. Ici, Allah parle à l'homme, à tout le monde. C'est la nature humaine de en vérité désirer ce qu'il y a déjà en face. Donc ce que l'on voit, pour nous c'est plus réel de façon générale que ce qu'on ne voit pas. C'est pas donné à tout le monde de tout le temps en train de penser de dans l'au-delà. C'est pas donné à tout le monde car c'est pas en face de nous. وَكَذَلِكَ يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا هَذِهِ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَاةُ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Donc certes, cette vie d'ici-bas n'est que distraction et jeu. Et certes, la demeure de l'au-delà, c'est réellement la demeure, si seulement ils le savaient. Encore une fois, donc une comparaison. Entre un jeu, hein, la vie d'ici-bas, Allah donc la considère comme si on était en train de jouer, et l'au-delà, donc c'est la réelle demeure. Si quoi? Si réellement ils le savaient. Non. Donc ici, on nous demande donc de savoir, d'obtenir cette science pour savoir en vérité que l'au-delà est meilleur. Il n'y a pas mieux que cela, bien sûr, que de lire le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois, on retrouve une comparaison entre les deux mondes. Wa qala ta'ala wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirati illa mata'a. Il dit aussi, et ils sont heureux de la vie d'ici-bas, alors que la vie d'ici-bas, en comparaison à l'au-delà, n'est que quelque chose que tu mata, c'est-à-dire que en vérité, délice, ou quelque chose doux qui assouvit en réalité tes plaisirs. Donc on voit encore une fois que c'est rien du tout. Ce ne sont que en réalité des petits délices donc, qui vont disparaître. Et ça ne vaut rien. Donc toujours ce verset montre la comparaison. Et ce verset montre qu'on est heureux de cela. Alors que ce n'est pas le but d'être heureux de ce qu'on a dans les mains. Ce n'est pas le but réel. Le but réel, c'est que ce que tu as dans les mains, c'est pour t'amener à l'au-delà. C'est en réalité tu vas utiliser. C'est toi, tu es maître de ta dunya, afin de profiter de ton au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue, car il y a énormément de versets à ce sujet. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira. Certes, vous aimez l'empressement, c'est-à-dire la vie d'ici-bas, et vous délaissez l'au-delà. L'ajila, c'est la vie d'ici-bas. C'est-à-dire qu'en réalité, tu te plais dans tout ce qu'il y a de la vie d'ici-bas, mais ces choses-là, en général, te distraient et te font oublier donc l'akhira. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, turiduna arad al-dunya wallah yuridu l'akhira. Vous voulez donc ce qu'il y a dans la vie d'ici-bas, les choses de la vie d'ici-bas, et Allah veut l'au-delà. On retrouve toujours donc la même chose, la comparaison entre les deux mondes. Et encore Allah dit, vous voulez, turidun, c'est général, la nature de l'homme. Car ce qui est en face, facilement donc on risque de sombrer ou d'être intéressé pour convoiter ces choses-là. Mais l'au-delà, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire des efforts. C'est tout simplement ce demande ici, mujahadat al-nafs. C'est afin justement, on va être d'éprouver qui de nous est réellement donc sincère et qui de nous ne l'est pas. Par rapport à, justement à l'au-delà. Et Allah continue toujours et dit « Zuyina linnasi hubbu shahawat min al-nisa wal-banin wal-qanatira al-munqatara min al-dhahabi wal-fidda wal-khayl musawwama wal-an'am wal-haf dhalika mata'u al-hayati al-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. » Donc il a été embelli pour les gens l'amour des shahawat, hubbu shahawat, donc des passions parmi les femmes, les enfants, les tonnes d'or, d'argent, les beaux chevaux, donc les chevaux galopants, ainsi que les bestiaux, ainsi que la terre. Et tout cela en vérité n'est que délices ou choses de la vie d'ici-bas. Et Allah, donc, bien sûr, il y a un bon retour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a encore d'autres versets qui montrent cela. Encore une fois, on voit toujours donc, la comparaison entre la vie d'ici-bas. Regardez comment Allah Azza wa Jal nous parle de cette vie d'ici-bas. Là où on ne doit pas s'y accrocher. Tous ces versets que l'on vient de citer montrent et mentionnent donc la différence. C'est-à-dire le fait que cette vie d'ici-bas est amenée à disparaître et auprès d'Allah Azza wa Jal elle ne vaut rien et elle est vide. Et que l'au-delà c'est celui-ci qui compte. Donc c'est l'au-delà qui compte. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حثنا على التزهيد في هذه الحياة الدنيا والترغيب في الآخرة. Même chose, toujours Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse et nous incite à être ascète dans la vie d'ici-bas et de rechercher fortement le grand désir de l'au-delà. فعن مستورد بن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعله أحدكم إصبعه في اليم فينظر بما يرجع. والحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. Donc ici le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit la vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà est comparable si l'un d'entre vous donc mettez sa main dans le liem, donc cette rivière qui coule, ce fleuve, et qui est donc liem, on le retrouve à l'époque de Youssouf, de Moussa à alayhi salam en Égypte, donc ce fleuve en Égypte, où tu y tremperais donc ton doigt, et tu y ressortirais le doigt. Donc on voit qu'il n'y a rien, c'est-à-dire que tu dis, regarde ce que tu as pris de cet au-delà, c'est rien du tout, c'est pas comparable. Donc ton doigt ne va pas garder l'eau. Il ne va pas en vérité donc vider ou diminuer quoi que ce soit de cette rivière-là. Toujours pour montrer qu'il n'y a pas de muqarana, il n'y a pas en vérité de comparaison réelle entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Et Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعودة ما سقي كافرا منها شربة ماء. والحديث صحيح لغيره رواه الترمذي. Et si aussi la vie d'ici-bas valait auprès d'Allah l'aile du moustique, Allah n'aurait pas donné d'eau à celui qui est mécréant. Allah n'aurait donné même pas donc le moindre eau, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau pour le mécréant. Et c'est un hadith qui est authentique. Donc sahih li-ghayrihi, il est rapporté par Tirmidhi. Et كذلك جابر ibn Abdullah قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس كتفيه فمر بجدي أسك متين وميت فتناول فأخذ بأذنيه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم فقالوا ما نحب له لنا بشيء وما نصنع به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traversé le marché et les gens donc se sont rapprochés de lui, donc se sont mis autour de lui. Et il a vu donc cette chèvre avec des petites oreilles mortes. Il l'a prise, donc il l'a pris par l'oreille. Et puis il dit, qui de vous aimerait que avoir celle-ci ou bien acheter d'un dirham? Qui de vous voudrait la posséder en échange d'un dirham? Ils ont dit, on ne la voudrait pas même pour rien. Et qu'est-ce qu'on ferait avec? Et puis il a dit, est-ce que vous voulez qu'elle soit pour vous? Ils ont dit, wallahi, même si elle était vivante, elle serait déjà handicapée, il y aurait donc des défauts dans cette chèvre, car elle a des petites oreilles. Alors que là, elle est morte. Alors que dire de si le fait qu'elle soit morte? Et il dit, par Allah, la vie d'ici-bas est encore plus vile auprès d'Allah que l'au-delà. C'est encore plus vile que cet animal auprès d'Allah. Vous ne voulez pas, Allah ne désire pas quoi que ce soit de cette vie d'ici-bas. Il n'y a que les œuvres en vérité qui remontent à Allah. Le reste, ça ne vaut rien du tout. Le reste, c'est que en vérité des lumières, tout simplement, pour justement tromper les gens. Et aussi, Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc « Ad-dunya mal'una, mal'una ma fiha, illa zikrullah wa ma walah » Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, donc la vie d'ici-bas, dunya, est maudite. Malédiction. Donc tout ce qu'il y a est maudit, sauf le rappel d'Allah et ce qui a attrait avec. Et le savant et l'apprenti, donc l'étudiant en religion. Aliman wa muta'allima. Donc ce qui compte auprès d'Allah azza wa jalla, c'est en vérité tout ce qui a attrait à la religion. Le reste, donc ça ne vaut rien. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Donc il dit صلى الله عليه وسلم un hadith qui est rapporté par Ibn Majah, le Hakim est authentique. Le hadith qui est auparavant qui est rapporté par Tirmidhi et le Hassan. Donc ne recherche pas la vie d'ici-bas, Allah va t'aimer. Ne recherche pas ce qu'il y a entre les mains des gens, les gens vont t'aimer. Le fait que tu ne convoites pas ce qu'il y a dans les mains des gens, les gens vont t'aimer. Car tu ne recherches pas en vérité, tu ne restes que sincère. Tu n'as pas en vérité donc d'affinité avec les gens pour quelque chose qu'ils ont, pour une quelconque richesse. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna ad-dunya hulwatun khadratun wa inna Allahi mustakhlifukum fiha fayanzu. Certes, la vie d'ici-bas, donc elle est chloue, hein, elle est délicieuse, elle est verte, et certes, Allah, donc mustakhlifukum fiha, il vous a mis en tant que successeur, et c'est vous qui gouvernez ici, dans cette terre. Il regarde, qu'est-ce que vous faites? Donc il regarde ce que vous faites, donc craignez Allah et craignez les femmes. Donc on va être craignant, on va être les délices de la vie d'ici-bas. Délicieuse. Et aussi verte dans le sens où quelque chose qui est délicieux, donc qui est vert, on voit pas comme de l'herbe. À une période, elle est verte, et à un moment donné, le vert est disparu. Donc ça veut dire que cette verdure-là, elle ne va pas rester longtemps. Hein, et aussi par rapport aux fruits. À un moment donné, si on parlait des fruits, lorsqu'ils sont verts, lorsqu'ils sont mûrs, lorsqu'ils sont bons, à un moment donné, ils ne seront plus comme ça. Donc il y a aussi ça, ils sont amenés à disparaître. Wa akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an halihi fi dunya wa zuhdihi sallallahu alayhi wa sallam. فيقول مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في الظل شجرة ثم راح وتركها رواه الترمذي والحاكم وهو الصحيح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui montre comment il est lui donc vis-à-vis de cette vie d'ici-bas. Il dit, moi Donc moi-même vis-à-vis de la vie d'ici-bas, c'est comparable à quelqu'un qui est dans sa monture, donc un cavalier, et qui s'arrête à l'ombre d'un arbre pour se reposer, et puis après il repart. Il n'est pas intéressé par ça, si ce n'est juste en fait de se reposer et de repartir. Donc c'est un temps court. Il ne recherche pas à bâtir dessus. Il ne convoite pas ce qu'il y a autour de cet arbre. Il va lire, il y passe et il repart. Donc c'est un étranger. Il se considère étranger par rapport à cet endroit. وقد نصح عبد الله بن عمر فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Et dans un autre verset, donc وعدود نفسك من الموتى. Donc il dit à عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, soit dans la vie d'ici-bas comme un étranger ou comme un passager, عابر السبيل. Et généralement donc l'étranger ou le passager, lorsqu'il doit s'arrêter dans une ville ou quoi, il n'est pas intéressé. Il ne va pas dire je vais construire ici, je vais faire ça ici. La dunya qui est dans cette ville ne l'intéresse pas. Il continue. C'est juste en vérité une halte. Et dans l'autre version, donc, et considère-toi parmi les morts. Considère-toi en vérité donc parmi les morts. Donc pense à la mort et rapproche-toi en vérité de la mort. Pense que ça se peut que ce soir tu meurs. Donc si tu le savais, qu'est-ce qui te ferait? Tu penserais qu'à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل اغتنم خمسا قبل خمس حياتك وحياتك قبل موتك وصحتك قبل سقامك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وهو صحيح. Donc ici النبي صلى الله عليه وسلم dit profite de cinq choses avant que cinq autres choses viennent, ta vie avant ta mort, c'est-à-dire vis-à-vis des actes. Ta bonne santé avant ta maladie. Ta santé avant ta maladie. Ton temps libre avant tes occupations. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta sénilité. Ta richesse avant ta pauvreté. Parce que si tu deviens donc pauvre, tu sais bien que c'est terminé, sadaqat. Si tu es vieux, tu n'auras plus donc peut-être cette force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut. Et aussi Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ni'matan marbounun fihima kathir minun nas al-farahu wa s-siha. Donc deux bénéfices, deux bienfaits dont les gens en vérité ne profitent pas de cela. Énormément de gens ne profitent pas de cela. C'est le temps libre et la bonne santé. Le temps libre est d'être en bonne santé. Wa qala Bakr Ibn Abdullah al-Muzani كانت امرأة متعبدة باليمن وكانت إذا أمست فقالت يا نفس الليل ليلة يعني نعم الليل ليلتك لا ليلة لك غيرها. Donc une femme qui était adoratrice, qui adorait énormément Allah subhanahu wa ta'ala au Yémen, lorsqu'elle arrivait le soir, elle disait ô âme, elle se parlait elle-même, elle dit cette nuit c'est ta nuit, il n'y a pas de nuit autre que celle-ci, comme si c'était la dernière. إذن وكذلك قالت يعني وقالت إذا أمست يا النفس الليل ليلتك أو plutôt النهار par rapport aussi, donc elle disait la même chose pour la journée, elle disait donc la même chose aussi par la journée, اليوم يومك لا يوم إلا يعني غير هذا, comme quoi que même chose pour la journée, ce jour c'est ton jour et il n'y a pas de jour autre que celui-ci, dans le sens où elle est tout le temps en vérité en train de penser à quoi? À adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle dit fashtahid. Elle dit à son œuf, donc il donne fais des efforts. Fais en vérité donc des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici en vérité comment doit être la personne vis-à-vis de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Wa abdul mathal wal qudwa al muthla wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kayfa kana fi hayatihi sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان حال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدفع إلى الزهد في الدنيا وتقلل من أعراضها فإن قال قائل لعل هذا من قلة شيء عنده صلى الله عليه وسلم فرد عليه أن الله عز وجل لا يختار للنبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه وأكرمهم عنده إلا أفضل الأحوال ولذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقتدي به صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عز وجل بلاد الإسلام وسوقيت الأموال إلى جزيرة العرب. وكذا كان أبوه من قبله رضي الله عنهما. L'un des exemples, bien sûr, le meilleur exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de la vie d'ici-bas? On voit qu'il était fortement ascète, que le peu de la vie d'ici-bas lui suffisait. Mais les gens pourraient dire, mais c'est normal, il n'avait rien. Donc, des gens, pour lui répondre, on va premièrement lui répondre comme quoi, si Allah Azza wa Jal lui a décidé ceci, c'est qu'il lui a choisi ce qu'il avait de meilleur pour lui, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'Allah dit « وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى » Nous t'avons trouvé pauvre et nous t'avons enrichi. Et c'est même la richesse donc qui est aussi physique, c'est-à-dire donc vis-à-vis donc des biens. Vis-à-vis des biens. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donnait tout. Donc on connaît que il a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam en prière et s'est souvenu qu'il avait encore de l'or dans sa poche qu'il n'avait pas encore distribué. Ce qu'il avait distribué, la nourriture l'a distribué, il l'a khélé. Pourtant, il a droit dans les règles religieuses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a le droit à un 20e dans le ghanaim. Dans le ghanaim, il peut prendre un 5e pour lui. Un 5e, donc 20%. Il peut prendre un 5e, pourtant il le donne. Il le donne aux tribus, il le partage, il ne garde rien. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était pas un pauvre. Même s'il n'avait rien chez lui, c'était pas un pauvre à l'origine. Par rapport à ce qu'il a reçu. Et on a des exemples. C'est les compagnons du prophète. Donc Ibn Omar, il faisait la même chose ainsi que son père. Que ce soit Abou Bakr Omar et son fils. Parmi d'autres exemples, il y a énormément d'exemples, mais on a des exemples. Que eux, ils ont connu la richesse parce qu'ils ont ouvert les pays, hein, donc les biens leur sont arrivés, et pourtant ils n'ont pas profité de ces biens de cette façon-là. Yaqulu Anas, radiallahu anhu, lam yakul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala khawan, hatta mata, wa lam yakul khubsan. Donc Anas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, n'a jamais, donc s'est jamais assis sur un tabouret. Et il n'a jamais mangé donc du pain qui est mou, qui est frais. Il n'a jamais mangé donc du pain qui est frais jusqu'à ce qu'il meure. Il n'était pas muraqqaq, il n'était pas donc doux, il était dur, le pain était dur. Donc il était dur. Wa qala ibn Battal تركه عليه الصلاة والسلام والأكل على خوان والأكل المرقب المرقق إنما هو للدفع الطيبة الدنيا اختيارا الطيبة الحياة الدائمة والآخرة والمال إنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة فلم يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال من هذا الوجه وحاصله أن الخبر لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى بل يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط في الحياة الدنيا. Donc ici, Ibn Battal rapporte pourquoi le prophète s'est renseigné comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'on doit donc tous être pauvres, on doit donc tout lâcher, ne manger que du pain dur? Est-ce que ça veut dire réellement cela? Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a délaissé cela afin de repousser donc les bonnes choses de la vie d'ici-bas et de ne s'intéresser qu'à l'au-delà. Et l'argent en réalité, donc les bienfaits, donc on les recherche afin de profiter réellement de ces bienfaits pour l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas besoin de cela. Donc on comprend que ce hadith-là ne veut pas dire que la pauvreté est meilleure que la richesse. Ça ne veut pas dire ça. Mais tout simplement, ça veut dire que ça montre ici en réalité donc la bienséance de la suffisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement sa foi est forte que cela lui suffit. Il y a des gens donc ils ne pourront pas arriver à ce niveau-là. Ils ne pourront pas atteindre ce niveau de suffisance. Et aussi le fait donc de se retenir des autres choses et de ne pas élargir donc ses richesses. Donc il était comme ça sallallahu alayhi wa sallam. Wa qalat Aisha radhiyallahu anha ma shabi'a ala Muhammad min khubz. الشعير يومان متتابعان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم. Donc Aïcha rapporte que la famille de Mohammed n'a jamais été rassasiée de pain deux jours de suite jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meure. Et le hadith est rapporté par البخاري ومسلم. وحتى في ملبسه صلى الله عليه وسلم قال أبو بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدة وإزارا غليظة فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين رواه مسلم. Donc Aïcha rapporte vis-à-vis des habits que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par Muslim. Donc Abu Burda ibn Abi Musa dit que Aïcha est sortie donc vers eux avec donc un haut et aussi l'izar, donc le pagne. Donc c'est un peu comme les ihram qu'on connaît, donc il y avait un haut et un bas. Donc le haut il est rapiécé, le bas on voit qu'il est râlu, donc c'est un tissu qui est gros, qui est épais. Et elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort avec ces deux-là. Il est mort avec ces deux habits-là. وفي فراشه صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدمى حشوة ليفة. Donc certes, le lit du prophète صلى الله عليه وسلم, là où il est mort, donc là où il dormait, donc c'est en réalité une sorte de tissu où on l'empaillait. Alors qu'elle mettait des chenons, c'est en réalité, il y avait des sortes de branches, ou pas de branches, plutôt de grandes feuilles d'arbres et l'akhili à l'intérieur. C'était rembourré de paille et d'autres. Donc c'était quelque chose qui était simple. C'était rembourré de paille et d'autres. إذن هذا الشيء يعني بسيط من حال نبينا صلى الله عليه وسلم. Donc voilà comment était صلى الله عليه وسلم. Donc vis-à-vis des choses dont les gens profitent un maximum. C'est-à-dire en général, voilà, on fait attention aux habits, on fait attention à avoir une bonne monture, donc des fois une bonne literie, la khélie. C'est des choses que l'on côtoie en vérité tous les jours. La literie. Donc les habits et aussi donc la nourriture. Donc c'est ce qui touche plus en réalité nos shahawat. Ou bien non, c'est ce qui va plus toucher en réalité nos désirs, nos envies. Amma fi ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala salla bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qala law ta'lamuna ma lakum 'inda Allah la ahbabtum an tazdadu faqa wa haja. Le hadith est rapporté par Tirmidhi. Donc les compagnons du prophète, radhiyallahu anhum, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam salla bihim, il a prié donc pour eux, il s'est retourné vers eux et leur a dit, si seulement vous saviez ce que vous avez auprès d'Allah, vous aurez aimé à être encore plus pauvre, hein, et à demander plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous aurez recherché encore plus, donc vous serez encore plus pauvre, vous aurez délaissé en vérité ces choses-là pour demander encore plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour montrer. Donc c'est une preuve que les compagnons ils étaient déjà comme ça. Ça c'est une preuve qui montre que les compagnons ils étaient déjà délaissés déjà la vie d'ici bas pour aller vers l'au-delà. Le hadith comme on l'a dit donc il est authentique. وَهَنَا أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ donc قَالَ يَحْيَى إِبْنُ أَبِي كَثِيرٍ كَانَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقِ لَا يَدَعُ هَذَا الْكَلَامَ أَنْ يَقُولَهُ كُلَّ الْجُمُعَةِ فِي خُطْبَتِهِ. Donc Abu Bakr al-Siddiq, tous les Jumu'a dans sa khutbah, n'oubliez pas, n'omettez pas de dire cette parole. أن الوسط الحسن أجوههم المعجوبون بشبابهم أن الذين بنوا البنيان فحصنوها بالحيطان. Donc il dit où sont donc les jeunes au beau visage, ceux qui sont étonnés par leur jeunesse, comme s'ils n'allaient jamais mourir. Où sont ceux qui ont construit les demeures et qui les protègent par des clôtures ou des murs, donc qui les protègent par des clôtures comme si c'était donc des citadelles. Al-ladina kanu yu'tauna al-ghalabatu fi mawatin al-harb. Où sont ceux qui gagnaient lorsqu'ils se battaient, ceux qui en réalité ont reçu donc la victoire au moment de la guerre. Qad tada'a bihim ad-dahl. Mais plutôt donc l'âge, le temps les a avilis parce que sont devenus vieux. فَأَصْبَحُوا كُلَّ شَيْءٍ وَأَصْبَحُوا قَدْ فُقِدُوا. Ils sont devenus après toutes choses. Dans le sens, ils n'ont plus cette force d'adoration. Ils ne délaissent l'adoration. Et ils sont devenus donc toutes choses. Et ils sont perdus. Donc ils les voient comme s'ils étaient perdus. Au lieu que normalement, même là, justement, et pour eux, elle est devenue contre eux. وَأَصْبَحُوا فِي ظُلُمَاتِ الْقُبُورِ. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans les ténèbres dans la tombe. الْوَحَا الْوَحَا ثُمَّ النَّجَا النَّجَا. Donc l'empressement et puis après quoi donc le fait de demander le secours d'être secouru et d'être secouru. Dans le sens où il veut dire donc profiter de votre temps, de votre force, de votre jeunesse pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça va vite. Une fois que tu es vieux, tu n'as plus de force. Une fois que tu es dans la tombe, qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches justement ce secours qui ne t'arrivera pas une fois que tu n'as plus rien fait. Donc il disait ça tous les donc les Jumu'ah. Radiallahu anhu. Wa yaqul Zayd ibn al-Harith wa huwa min sighar at-tabi'in. لما حضرت أبا بكر الوفاة أرسل إلى عمر يستخلفه فقال له إني أوصيك بوصية أن تحفظها. Donc il dit ici que Omar, lorsqu'il a décidé que donc Abu Bakr, lorsqu'il a décidé que Omar sera son successeur, il a dit je te conseille, donc je vais te recommander quelque chose et apprends cette chose là. إن الله أو إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار. Certes, Allah a des droits de nuit et ne les accepte pas dans la journée. Une fois que c'est passé, c'est passé. Donc profite en vérité de cette nuit-là. وإن لله حقا في النهار لا يقبله في الليل. Et certes, Allah a des droits de jour, il ne les accepte pas la nuit. والله لا يقبل نافلة حتى تؤدي فريضة. Certes, Allah n'accepte pas l'acte surérogatoire jusqu'à ce que tu fasses donc l'acte qui est obligatoire, prescrite. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعه من حق في الدنيا وثقله عليهم. Certes, donc les mawazin, donc ici les balances seront lourdes pour ceux qui ont donc la balance lourde le jour dernier, car ils ont suivi la vérité dans la vie d'ici-bas, et même si c'était lourd pour eux, donc ثقلهم عليهم, donc c'était lourd pour eux, mais ils l'ont fait. Donc c'est pour dire que c'est clair que l'adoration c'est pas quelque chose de facile, il faut pas rêver. Mais qu'est-ce qu'ils nous demandaient? Ils nous demandaient les efforts. C'est lourd, mais il faut le faire. C'est lourd là, mais ta balance elle sera lourde. Vous voyez comment il fait la comparaison. Il dit c'est lourd à faire dans la vie d'ici-bas, mais c'est lourd en récompense. C'est en vérité, il y a beaucoup de récompenses. وحق الميزان لا يودع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا. Et c'est tout à fait normal que justement cette balance-là ne soit posée dans cette balance que ce qui est lourd. Il n'y a pas d'injustice. C'est méritoire que cette balance devienne lourde par des choses qui ont été lourdes d'origine. Donc il faut faire des efforts. C'est pas facile de se lever la nuit, par exemple. C'est pas facile de donner de son argent. C'est pas facile d'aller dépenser pour faire le hajj. C'est pas facile de venir maintenant faire des centaines de kilomètres pour s'asseoir ici sur un tapis, alors qu'on n'a pas l'habitude de ça. Mais ces choses-là amènent en vérité, alhamdulillah, donc d'énormes récompenses, beaucoup de récompenses, et ça c'est retrouvé donc Yom Kiyama. وإنما حقت موازين من حقت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطن في الدنيا وخفته عليهم. Certes, donc les balances aussi, il y a le grand mérite justement de que ces balances justement seront légères le jour dernier pour ceux qui ont suivi le faux, le bâton dans la vie d'ici-bas, et donc la facilité de faire ces choses qui sont fausses. C'est facile, donc la désobéissance elle demande pas beaucoup d'efforts. Il suffit de se laisser aller, c'est le charouette, elle donne le désir. Contrairement justement aux choses qui sont demandées en ce moment, on doit faire des efforts dessus. Donc ça sera léger car il a été léger, il a été facile de faire ces choses qu'ils n'étaient pas bien à faire. وحق الميزان لا يودع فيه يوم القيامة إلا الباطن أن يكون حقيقا أو plutôt خفيفا نعم. Donc c'est la même chose, c'est tout à fait normal que cette balance, le jour où on va poser ces choses-là qui sont vaines, ces choses qui sont fausses, qu'elles soient légères. Donc il n'y a pas d'injustice envers cela. Il n'y a aucune injustice en vérité envers cela. Puis il dit ألم ترى أن الله ذكر أهل الجنة وصالح ما عملوا وتجاوزوا عن سيئاتهم. Ne vois-tu pas qu'Allah Azza wa Jal donc mentionne les gens du paradis et les bonnes œuvres qu'ils ont fait, donc les bonnes choses qu'ils ont fait, et ils les ont pardonnés. وتجاوز عن سيئاتهم. Il leur a pardonné leurs péchés parce qu'ils font des bonnes choses, donc les bonnes choses effacent بإذن الله donc les péchés. فيقول القائل وأبلغ هؤلاء وذكر أهل النار والسيء ما عملوا فرد عليهم الصالح ما عملوا فيقول قائل أنا خير من هؤلاء، وذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا وراهبا، ولا يتمنى على الله غير الحق، ولا يلقى بيده إلى تهلكة، ولا يلقي بيده إلى تهلكة. Ici aussi, donc il dit, donc en parlant de cela, lorsqu'il parle des gens du feu et des mauvaises choses qu'ils ont fait, donc ce qu'ils ont fait de bien donc a été rejeté, le fait que ça a été dépassé par ce qui est donc mauvais. Et il dit donc, la personne dit donc, je suis meilleur que ces gens-là. Et il se souvient aussi, donc il a mentionné aussi à Abu Bakr al-Siddiq, donc les versets où il y a la miséricorde d'Allah, ainsi que les versets où il y a quoi? Donc le châtiment d'Allah. Parce qu'il faut les deux choses. Tu ne peux pas en vérité t'en sortir sans les deux choses. Tu ne peux pas adorer Allah Azza wa Jal que si tu as peur d'Allah, que si donc tu espères en Allah, tout en accompagnant bien sûr l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les piliers de l'adoration. Donc on voit bien, on voit que le tawhid déjà l'est expliqué. L'aqida, comment adorer Allah, donc c'est expliqué par rapport à cette parole-là. Il dit, afin que le croyant désire et craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va désirer Allah subhanahu wa ta'ala et aussi il va le craindre subhanahu wa ta'ala. Et il ne va espérer d'Allah que la vérité. Il va espérer en vérité d'Allah, donc justement que ce qui est véridique. Et ne te donne pas donc en pâturage, dans le sens où en vérité ne sombre pas dans justement, ne périt pas par rapport à mauvais actes. Donc en fait, ne donne pas ton corps à la perdition. Ne donne pas donc ton corps à la perdition. فَإِنْ أَنْتَ حَفِثَ قَوْلِ هَذَا فَلَا يَكُنَنَا غَائِبْ إِلَيْكَ مِنْ الْمَوْتِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ. Il dit, si tu as pris ma parole, donc si tu as retenu ma parole, que la mort ne soit pas quelque chose d'absent pour toi, car la mort, tu vas arriver à la mort. Donc la Bouddha Minhu. Que la mort ne soit pas chez toi un absent. Qu'il soit toujours en vérité, toujours que accompagne en vérité tes pensées de la mort. Ça va t'aider. وَإِنْ أَنْتَ يَنِي دِعَتْ قَوْلِي أَوْ دِعَتْ قَوْلِي نَمْ وَإِنْ أَنْتَ دِعَتْ قَوْلِي فَلَا يَكُنَنَّ غَائِبْ أَبْرَدْ إِلَيْكَ مِنَ الْمَوْتِ نَنْ تُعْزِزُهُ. Donc ici, tu as oublié ma parole, n'oublie pas que que l'absent, le plus détestable auprès de toi, ce soit la mort, alors que tu ne pourras pas en vérité combattre, dans le sens où tu ne pourras pas en vérité être plus fort que cette mort-là. Si tu penses par la mort, donc ne crois pas que la mort, tu pourras la combattre. Et bien sûr, donc Omar l'a dit, Aousal Khalifa min ba'di bitaqallah azzajal, Aousal Khalifa min ba'di bitaqallah azzajal, wa zakar al-hadith. Et il a fait la même chose, Omar ibn Khattab, donc pour celui qui va venir après lui. Il disait ça, la même chose. Je conseille celui qui va me succéder de craindre Allah Azza wa Jal. Et puis après, il a pris par cœur donc la parole d'Abu Bakr al-Siddiq pour continuer donc à l'enseigner. D'où, pourquoi? Parce que justement, il y a énormément d'enseignements à retirer de cette parole d'Abu Bakr al-Siddiq. Et aussi donc ici, Zayd ibn Aslam, rapport de son père, il dit « Ra'aytu Abu Bakr al-Siddiq, akhidhu bi tarafi lisanihi faqala » هذا أورد في الموارد أو أوردني الموارد دي. Et ça a été rapporté par l'Albani et l'Authentique. Donc Abu Bakr al-Siddiq prenait le bout de sa langue et il disait donc c'est celle-ci qui me fait perdre. Ce qui veut dire ça, le tahluka. Le mawarid bi ma'na al-tahluka. Donc la perdition. C'est celle-ci qui me fait perdre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le zuhd. C'est-à-dire vis-à-vis du lisani, par rapport à la langue. Donc il va se retenir de parler de ce qui ne sert à rien. Il va se retenir de dire, donc de faire de la médisance, de mentir, de tricher la ri avec sa langue. Il va en vérité donc éviter tout cela. Et aussi le Qais dit donc Khatabana Abu Bakr Siddiq Faqal Walaytu alaykum walastu bi khairikum. فإن أنا أحسنت فأعينني وإن أنا أسأت فسددوني فإن لي شيطانا يعتريني فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني لا أثر في أجسادكم ولا أباشركم. Donc il dit, donc j'ai été choisi pour que je sois votre gouverneur alors que je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Donc plusieurs fois il lui disait Abu Bakr al-Siddiq. Il disait que je ne suis pas le meilleur d'entre vous, lorsqu'il commence en vérité ses paroles, pour montrer que afin de rester en vérité donc au niveau des gens, ou voire même en dessous des gens. Si je fais du bien, aidez-moi dans ce bien. Si je fais du mal, arrêtez-moi. Car il y a avec moi un shaitan qui me pousse à faire du mal. Donc il se souvient toujours qu'il y a un ennemi évident. Il dit, si vous me voyez énervé, donc éloignez-vous de moi. Donc en vérité, donc évitez-moi, afin que je ne fasse pas du mal ni à vos corps, ni que je devienne en vérité donc être face à vous. Enfin, facilement, parce que c'est l'émir. Et l'émir, donc, il risquerait en réalité de faire du mal. Et aussi, Hisham ibn Urwa rapporte Akhbarani Abi Anna Abba Bakrin Aslama Walahu Arbun Elf Dirham. Arbun Elf Dirham. Fakala Aura Fakhbaratni Aisha Kalet Toufia Rasulullah Toufia Abu Bakr Siddiq Radallahu Anhu Walam Yatrub Dinaran Wala Dirhama Daraballahu Sakinahu. Le hadith sahih rawahu Ibn Sa'd fi at-tabaqat. Donc ici Aïcha rapporte, donc lorsque donc Urwa rapporte de son père, il dit certes que lorsque Abu Bakr Siddiq est entré dans l'islam, il possédait 40 000 dirhams. Et Urwa rapporte que Aïcha m'a dit lorsque Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu est mort, il n'a délaissé ni un dinar ni un dirham, car Allah justement a mis la sérénité dans son cœur. En vérité, Allah justement là, a fait de lui quelqu'un de serein. Le hadith il est sahih, donc le hadith il est authentique. Donc il y a encore énormément de paroles par rapport à cela, par rapport à lui déjà, par rapport à tous les compagnons et même par rapport aux salaf. Donc je me suis arrêté là, le fait que je pensais que ça allait durer une heure. Je crois que c'est presque justement le temps, il se termine maintenant. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.